Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Bienvenue dans cette édition dont voici les grands titres. Les résultats du référendum constitutionnel de jeudi n'ont rien de démocratique d'après le président de la coalition Miséria Barundi. Au regard des irrégularités constatées, vous entendrez Agathon Rwasa qui rejette ces résultats d'un scrutin qu'il qualifie de fantaisiste. Et le président du parti FNL, Jacques Vigilimana, a un avis tout à fait contraire. Le sommet du COMESA, qui devait se tenir au Burundi au mois de juin, a été reporté pour juillet pour des raisons que l'on ignore encore. Il se tiendra au siège de l'organisation à Lusaka en Zambie. Les rendez-vous de Bujumbura avaient été maintes fois reportés. Et dans la chronique agriculture, on reparlera de la critique cinématographique qui est un exercice nécessaire et indispensable pour la promotion de l'industrie cinématographique. Et l'actualité internationale reste marquée par l'accident d'un avion de la compagnie cubaine qui s'est écrasé ce vendredi avec 104 passagers à bord peu après son décollage de l'aéroport de Cuba. À la fin de ce journal, vous aurez également droit à la revue de presse. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Bonjour, la coalition Miséria Barundi estime que le scrutin référendaire de jeudi dernier n'a été ni libre, ni transparent, ni indépendant, encore moins démocratique. Cette coalition rejette en bloc les résultats de ce scrutin qu'elle qualifie de fantaisiste. Le président de cette coalition, Miséria Barundi, Agathon Rwasa, cite certaines irrégularités observées au cours du scrutin. Les cas sont légion. Dans les communes comme Nyamurenza, Tangara, Bujumbura, Rugazi, Banda et autres, on a des cas, plusieurs cas, où des Imbonerakure ont forcé les gens à voter pour le oui. On a des cas où des personnes qui ont, des mandataires qui ont été kidnappés la veille ou même juste à l'aube de la journée du scrutin, notamment en commune Mubimbi. On a les provinces comme Rumonge où plus de 70 mandataires ont été interdits d'accès au lieu où ils devraient prester plutôt. On a des cas d'arrestation ou de la chasse même à l'homme contre tout ce qui était sur la liste de mandataires depuis qu'ils ont eu la liste. Je peux vous citer même un exemple très flagrant. Avant-hier, en province Kayanza, commune Gahombo, des gens ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés par un Imbonerakure directeur d'Imekofo, quelque part à Gahombo et un autre Imbonerakure. Et ils sont maintenant au SNR à Kayanza. Comme infraction, ils avaient des lampes torches et ils avaient les listes et les accréditations pour nos mandataires dans la commune. Est-ce que avoir une torche au Burundi constitue une infraction depuis quand? Aujourd'hui, vous vous exprimez sur les zones des médias. Est-ce que vous avez saisi la CENI? Quelle a été la réaction de cette dernière? La CENI a été sollicitée, mais elle a été des fois même incapable de prendre une position de neutralité. Je vous fais un exemple. On a adressé une correspondance par rapport à un pseudo ami zéro, Krisha Pouloui, qui n'a jamais été enregistré en bonne et due forme. Vous savez tous quelle a été la réaction du porte-parole de la CENI. Hier, tous ceux qui ont essayé de contacter les officiers de la CENI n'ont jamais été reçus. La coalition Miséria Barundi ne demande qu'à la CENI de faire preuve de neutralité en annulant les résultats et en faisant reprendre le processus de vote dans le respect du prescrit du code électoral en vigueur au Burundi. Suivez encore une fois Agathon Rwasa. Nous sommes totalement contre et nous demandons qu'on nullifie ces résultats-là et reprendre le scrutin dans des conditions qui sont prescrites par la loi pour que ça puisse réellement faire foi. Au moment où la CENI ne va pas entendre votre demande, qu'est-ce que vous comptez faire? Nous continuerons à crier fort et nous demanderons à ce que quand même la CENI remplisse son devoir de neutralité et ne continue pas à jouer le jeu d'une partie de Burundais, alors que la constitution c'est quand même quelque chose avec laquelle on ne doit pas jouer, on ne doit pas se moquer d'une personne ou d'une partie de Burundais, parce qu'il est de l'intérêt de tous les Burundais qu'on ait quand même une constitution qui retient le consensus et non pas une constitution imposée juste parce qu'il y a des complicités ici et là. Agathon Rwasa, président de la coalition Amizero Yabarundi, au téléphone avec Evariste Nzikobanyanga. À ces revendications de la coalition Amizero Yabarundi, le chargé de la communication au sein de la Commission électorale nationale indépendante dit qu'il s'est exprimé là-dessus et qu'il ne peut rien ajouter. Cependant, dans les éditions de la synergie référendaire des médias ce vendredi, Prosper Nawami a précisé qu'aucun mandataire politique qui a présenté une accréditation n'a été refoulé. Irrégularité, c'est trop dit. Peut-être des petits incidents d'ordre organisationnel, mais sinon, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'irrégularité constatée de nature à invalider un scrutin. C'était de petites anomalies d'ordre logistique et opérationnel. Pourtant, la coalition Amizero Yabarundi déplore que ces mandataires ont été malmenés, même emprisonnés. Il y en aurait eu même qui se sont vus refuser l'accréditation. Peut-on savoir pourquoi? Des mandataires de Amizero à qui on a refusé l'accréditation, je viens de l'apprendre ici à l'antenne. Ce que nous avons appris au niveau de la CENI, c'est qu'il y aurait eu certaines accréditations qui étaient, je ne sais pas, falsifiées ou qui n'étaient pas propres. Mais sinon, là où c'était déclaré qu'il y avait un petit problème, on était en contact direct avec nos CEPI. Les choses ont été vite réglées. À ma connaissance, il n'y a personne à qui on a empêché d'observer alors qu'il avait été accrédité. Voilà, c'était Prosper Nargwamiye, c'est le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante. Et le parti FNL salue les résultats provisoires du référendum de ce jeudi 17 mai 2018. Jacques Guirimana, qui vient de tenir une conférence de presse, a interpellé les hommes politiques en exil non poursuivis de rentrer dans leur pays pour préparer les élections de 2020. Nous y reviendrons dans notre édition de la soirée. Et flambée des prix des produits de première nécessité ces derniers jours en Provence Bubanza. À titre d'exemple, une bouteille d'huile de palme qui coûtait 1200 francs burundais il y a 3 semaines s'achète aujourd'hui à 2200 francs burundais. Un kilo de haricots qui était à 1300 francs burundais coûte aujourd'hui 1800 francs. Et face aux lamentations des demandeurs, les commerçants de ces produits sont aussi chers où ils s'approvisionnent. Et nous reviendrons tout à l'heure sur le rapport du sommet du COMESA qui devait se tenir au Burundi au mois de juin, qui a été reporté au mois de juillet, qui se tiendra au siège de l'organisation à Lusaka en Zambie. Mais ce sera après la chronique Art et Culture. Radio Isanganiro Chronique. La critique cinématographique est un exercice nécessaire et indispensable pour la promotion d'une vraie industrie cinématographique dans le pays. Tout naturellement, les cinéastes reçoivent différemment les critiques, comme l'explique Gervais Yann. Il est journaliste burkinabé et responsable de la presse multimédia au FESPACO, le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Il invite les chaînes de télévision africaines à faire des coproductions avec les cinéastes pour bien profiter du numérique. Cette chronique agricole est signé Christian Savier. Pour bien mener une critique cinématographique, il faut être bien outillé et avoir une longue expérience dans le cinéma et surtout des capacités et compétences et le faire. Ce travail aide surtout les acteurs, les producteurs, les réalisateurs pour qu'ils puissent avancer ensemble vers l'établissement d'une industrie cinématographique. Quelquefois, les cinéastes peuvent ne pas bien accueillir les critiques, comme nous le dit Gervais Yann, journaliste burkinabé, responsable de la presse multimédia au FESPACO, Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Oui, bon, au départ, en général, on se regarde en chien de faïence, mais de plus en plus, il y a de l'acceptation, il y a de la tolérance. Ils sont invités dans le festival. Vous savez qu'à Cannes, il y a la semaine de la critique, ce sont les critiques qui l'ont créée. Voilà, il y a un certain regard, il y a le prix de la critique dans pas mal de festivals aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a cette tolérance-là également. Mais un cinéaste, l'œuvre qu'il a produite, même s'il est l'auteur, dès qu'on la diffuse, ne lui appartient plus. J'allais dire malheureusement pour lui. Il y aura des débats autour. La critique cinématographique a une utilité énorme. Georges Yann invite les cinéastes à ne jamais en avoir peur. Maintenant, les critiques, faut pas qu'ils aient peur des critiques. Les critiques peuvent faire ressortir les atouts de l'auteur, les forces de son œuvre. Mais comme toute œuvre n'étant pas parfaite, même quand il y a des faiblesses, voilà, le souligner et demander que des efforts soient faits. À cette rigueur-là également, qu'on apprend à améliorer les œuvres qu'on produit. Invitons Gervais Anne à faire la critique du cinéma du Burundi. J'ai déjà vu des œuvres, dont notamment un film d'auteur moi qui m'a marqué, qui s'appelle Guito Lengra, qui était arrivé au FESPACO en 93, si je ne m'abuse, hein, qui a été bien reçu par le public. Mais c'était rigoureux dans la démarche, l'approche, avec un scénario bien serré pour l'histoire. Et moi, je crois que déjà, ça, c'est captivant. Parce qu'on dit, c'est vrai, pour le grand public, c'est une histoire qu'on raconte. Encore faut-il qu'il y ait de la rigueur. Et je crois qu'autour d'un film comme ça, si on peut s'inspirer, ou bien d'autres qui peuvent s'assimiler ici au Burundi, je crois qu'on va sortir des œuvres quand même géniales. Gervais Yann ne manquera pas à nous faire une critique du cinéma africain. Voilà. Maintenant, pour le cinéma africain, aujourd'hui, le contexte est au numérique. Tout le monde est porté vers le numérique. Les coûts sont réduits. On produit plus. Ce n'est pas pour autant qu'il faut faire des films, comme on peut dire ça, inintéressants. Des films qui ne sont pas achevés artistiquement parlant. Quand vous concevez, vous devez, dans votre mentalité, concevoir en tenant compte du fait que vous redimensionnez effectivement votre budget avec cet équipement-là. Voilà, en partant du scénario jusqu'à la réalisation, jusqu'à la post-production. Yann invite les cinéastes africains à observer bien les œuvres des Nigérians. Et si les Africains travaillent de cette façon-là, comme le font les Nigérians aujourd'hui, qui font de l'industrie cinématographique, je crois que quand même notre cinéma pourra porter très loin. On peut faire des coproductions. Ça, il n'y a rien à faire. Ça existe en Europe et ça a permis à beaucoup de films d'exister, que ce soit des téléfilms ou des séries. Voilà. Et même en Afrique, ça se fait de temps en temps, avec les petits moyens qu'ils ont au niveau de certaines télévisions. Il y a des séries qui ont été produites et encore des projets souvent dans ce sens-là. Gervais demande aux télévisions africaines à s'unir avec les producteurs et réalisateurs africains et de faire des coproductions. Christian Savier, je vous l'avais dit, le sommet du COMESA qui devait se tenir au Burundi au mois de juin a été reporté pour juillet pour des raisons que l'on ignore encore. Il se tiendra au siège de l'organisation à Lusaka en Zambie et les rendez-vous de Bujumbura avaient été maintes fois reportés. Placide Niyomwongere. Comme c'est écrit sur le site du marché commun de l'Afrique australe et orientale dit COMESA dans ses publications en brève du 18 mai, et que COMESA a décidé de ne pas tenir les assises du 20e sommet des chefs d'État et des gouvernements au Burundi. Cette décision tombe alors qu'au mois de janvier 2018, en visite au Burundi, le secrétaire général du COMESA, Cindy Songwenya, avait confirmé que le Burundi allait accueillir ce sommet en date du 18 et 19 avril, un rendez-vous qui a été reporté pour le mois de juin prochain. Des raisons qui étaient avancées par le bureau du COMESA et soutenues également par la commission chargée des préparations de ce sommet côté burundais étaient la coïncidence de la tenue d'une réunion de la communauté des États anglophones dans laquelle fait partie une dizaine de pays membres du COMESA. Malheureusement, ce sommet quitte Bujumbura au mois de juin pour Lusaka en Zambie au mois de juillet. Les raisons, cette fois-ci, de cette délocalisation de ce sommet et la date restent non précises. Mais cet article dit COMESA, écrit en deux lignes, dit que la date sera bientôt annoncée. Rappelons qu'en 2017, le bureau dit COMESA avait signifié que le Burundi était en manque de certains critères pour accueillir ce 20e sommet, tels que les hôtels insuffisants, des véhicules et la connexion Internet fiable. À toutes ces inquiétudes, le Burundi, via sa commission de préparation, avait précisé que tout avait été réglé, ce qu'avait également confirmé Cindy Songwenya, le secrétaire général d'ICOMESA, lors de sa visite au Burundi. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. L'actualité internationale reste marquée par l'accident d'un avion de la compagnie cubaine qui s'est écrasé ce vendredi avec 104 passagers à bord peu après son décollage de l'aéroport de Cuba. La FIFA suspend son aide financière depuis ce jeudi à la Fédération de football ivoirienne qui est en crise ces derniers jours. Et l'épidémie d'Ebola se propage en République démocratique du Congo. Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et les autorités congolaises continuent de lutter au moyen d'un vaccin expérimental. Les détails avec Ornella Mocho qui a lu certains journaux internationaux. En République démocratique du Congo, depuis que les premiers cas suspects ont été signalés le mois dernier, 4 nouveaux cas ont été confirmés dans la plus grande ville de la région, à Mbandaka, ville peuplée de plus d'1 million d'habitants. Selon le médecin directeur de l'hôpital du centre d'épidémie, le virus a été propagé par un individu ayant voyagé du premier foyer d'épidémie à la ville avant que l'épidémie ne soit officiellement déclarée le 8 mai, ainsi que les premières mesures de contingence de la maladie mises en place, comme nous le lisons dans le journal Africa News. Ce docteur a souligné sur le même site que le risque est désormais que l'épidémie se déplace rapidement vers les grandes villes, notamment Kinshasa, avec laquelle Bandaka est reliée par le fleuve. En Côte d'Ivoire, comme nous le lisons toujours dans l'Africa News, la FIFA, médiatrice dans le conflit qui oppose Sidi Diallo, le patron de la Fédération de football ivoirienne, FIF en sigle, à un groupe de frondeurs l'accusant de mauvaise gestion, la FIFA de son côté, avant qu'elle suspende son financement à cette fédération ivoirienne, elle a d'abord tenté une conciliation à l'occasion d'une série de rencontres en mars dernier, mais aucun accord n'a été trouvé du côté des dirigeants du football ivoirien. Disent qu'ils s'étonnent en effet que l'audit de la FIFA concerne aussi bien les fonds qu'elle a alloués à la fédération, mais également les fonds propres de la FIF. Enfin, au Cuba, des sources sûres de l'aéroport ainsi que des témoins sur place ont précisé à l'agence française de presse, comme nous le trouvons sur le site de France 24, que l'avion s'est écrasé dans un champ à proximité de l'aéroport et une épaisse colonne de fumée à proximité de l'aéroport avant que les pompiers ne parviennent à éteindre les flammes surgissant de la carcasse de l'appareil, signalant que dans cet avion, il y avait 104 personnes. Merci Ornella Mucho. Meghan et Harry sont des mariés qui font rêver en Grande-Bretagne. Le mariage de l'actrice américaine Meghan Markle et du prince Harry, petit-fils de la reine Elizabeth II au château de Windsor, ce samedi 19 mai 2018, attire de nouveau le feu des projecteurs du monde entier sur la couronne britannique. Il faut dire que leur histoire d'amour ressemble à un conte de fées. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle que les résultats du référendum constitutionnel n'ont rien de démocratique. D'après le président de la coalition Misero Yabarundi, au regard des irrégularités constatées, vous avez suivi Agathon Rwasa qui en a donné quelques-unes. Il rejette ces résultats d'un scrutin qu'il qualifie de fantaisiste. Et le président du parti FNL, Jacques Wigilimana, a un avis tout à fait contraire. Et le sommet du COMESA qui devait se tenir au Burundi au mois de juin a été reporté pour juillet pour des raisons que l'on ignore encore. Il se tiendra au siège de l'organisation à Lusaka en Zambie. Les rendez-vous de Bujumbura avait été maintes fois reporté et contacté par téléphone. Le comité chargé des préparatifs de ce sommet nous a envoyé au ministère des Relations extérieures et de la coopération que nous continuons à chercher. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Jean Dodieu Ndaïsenga pour la mise en onde. Jean Bosco Ndouimana vous a présenté ce journal. Et tout de suite, vous allez suivre la revue de presse. Mireille Kanyangé me rejoint dans son studio. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous captez. La date du 17 mai 2018 est entrée dans l'histoire du Burundi, selon le journal Iwachu, puisque le peuple burundais a exercé son droit civique en se prononçant par référendum sur la constitution amendée. Ce journal rappelle dans son éditorial que dans l'histoire du Burundi, la période électorale a été à maintes reprises caractérisée par des violences politiques, des conflits. Mais en page intérieure, notre confrère titre que le référendum constitutionnel a été paisible, mais entaché d'irrégularités, comme celle dénoncée par la coalition Amizero ya Barundi, surtout en commune Rumonge dans les zones Kizuka et Minago, où leurs mandataires ont été empêchés d'observer le déroulement du scrutin. Iwachu rapporte également qu'un député élu dans la circonscription de cette province pour cette coalition a dénoncé l'influence de certains présidents des bureaux de vote et l'arrestation arbitraire de leurs militants en commune Muhuta. Le journal fait aussi remarquer que le référendum a eu lieu dans un contexte d'absence de mission internationale d'observation. Notre confrère écrit que la CENI a indiqué qu'aucune mission étrangère d'observation n'a sollicité d'accréditation concernant le référendum. Le chargé de la communication et affaires publiques au sein de la communauté est-africaine a, quant à lui, indiqué qu'en raison de circonstances imprévues, l'EAC ne devait envoyer de mission d'observation au Burundi. L'opposition et la société civile critiquent la tenue de ce référendum dont l'objectif, disent-ils, est d'enterrer définitivement les accords d'Arusha de 2000 qui avaient pourtant mis fin à la guerre civile qu'avait connue le pays depuis son indépendance, écrit Net Press. L'agence rappelle qu'en 2014, le gouvernement burundais avait essayé de retoucher la constitution via la chambre basse du Parlement, un projet qui a été vite rejeté. Pourquoi le taux de change des devises est en baisse, s'interroge le journal Burundi Echo. Depuis quelques jours, la valeur des devises chute sur le marché parallèle. Cependant, les causes restent méconnues. Les observateurs rapportent que cette chute serait due à la baisse de leurs demandes. D'autres parlent des injections de devises dans l'économie nationale. Selon le docteur Bizimana, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université du Burundi, cela a des conséquences sur l'économie nationale. Il indique que si le taux de change diminue, c'est bénéfique pour les importateurs et pour les industries parce que, explique-t-il, il y a des industries qui ne fonctionnent pas à cause de la pénurie de devises qui leur facilite l'approvisionnement en matières premières. Bref, écrit Burundi Echo, l'économie nationale se relève. Malgré toutes ces fluctuations, les prix des denrées alimentaires sur le marché ne changent pas, mais au contraire, continuent à augmenter, rapportent certains consommateurs que Burundi Echo a rencontrés sur les points de vente de certains produits. Revue de la presse. Les jeunes diplômés n'ont pas d'engouement pour suivre la formation à l'Institut supérieur des cadres militaires ISCAM, écrit l'agence burundaise de presse ABP. Les raisons de cette démotivation chez les jeunes diplômés de la province Ngozi restent vagues. Pour les uns, rapporte ABP, les conditions exigées, telles que l'âge ne dépassant pas 25 ans, freinent beaucoup de jeunes qui terminent leurs études au-delà de cet âge. L'on cite également les difficultés liées au manque de documents administratifs, comme l'extrait du casier judiciaire et le diplôme d'État. Certaines filles, quant à elles, estiment que les délais de la formation à l'ISCAM sont plus ou moins longs. Après les inondations, la solidarité prime. Le blogueur de Yaga rapporte qu'après les inondations des 22 et 28 avril, les dégâts sont encore bien visibles dans les quartiers du nord de la capitale. Mais, note son confrère, si les pluies diluviennes ont été la cause de beaucoup de malheurs, elles ont aussi déclenché un vaste élan de solidarité. Repas partagés, paroles réconfortantes, des collectes de bénévoles venus de Kamenge, Ngagara, Kinama, Mutakura, bref, de presque partout. Ce qui est vraiment impressionnant, d'après notre confrère, très heureux de constater que dans un pays où sévissent les divisions, cette catastrophe a permis de resserrer les liens entre les habitants. Tous s'unissent de façon solidaire, souriante et impatiente d'en faire davantage, écrit son blogueur. Le blogueur de Yaga note que ce n'est pas la première fois qu'une telle belle action citoyenne est mise en place et rappelle aussi que lors des famines à Kirundo, tout le pays s'était mobilisé avec des collectes, que lors des pluies diluviennes des 9 et 10 février 2014 à Gatunguru, en plus des collectes, des concerts de soutien furent organisés, une solidarité pareille faisait notre joie. Et notre confrère de conclure que ce pouvoir du peuple qui fait la différence quand les acteurs politiques peinent à relever le défi est admirable. Et ainsi s'achève cette revue de presse préparée et présentée par Mireille Kanyange et Jean Bosco Nduwimana. Nous vous souhaitons de passer de bons moments avec Isanganiro. À la prochaine.